Josué chapitre 16. Puis le sort échut aux enfants de Joseph, depuis le Jourdain de Jéricho aux eaux de Jéricho vers l'Orient, qui est le désert, montant de Jéricho par la montagne jusqu'à Bethel. Et cette frontière devait sortir de Bethel vers Luz, puis passer sur les confins de l'Arkien jusqu'à Ataroth. Et elle devait descendre tirant vers l'Occident, aux confins du Japhlotien, jusqu'aux confins de Beth-Horon-la-Basse, et jusqu'à Gazé, de sorte que ses extrémités, se devaient rendre à la mer. Ainsi les enfants de Joseph, savoir Manassé et Ephraïm, prirent leur héritage. Or la frontière des enfants d'Ephraïm selon leur famille était telle, que la frontière de leur héritage vers l'Orient fut Atrotadar, jusqu'à Beth-Horon-la-Haute. Et cette frontière devait sortir vers la mer en Micmeta du côté du septentrion, et cette frontière devait se tourner vers l'Orient jusqu'à Tahanat-Silo, et passant du côté d'Orient, se rendre à Janoa, puis descendre de vers Janoa à Taroth, et vers Naharath, et se rencontrer à Jéricho, et sortir au Jourdain. Et cette frontière devait aller de Tapua tirant vers la mer, jusqu'au torrent de Cana, tellement que ses extrémités, se devaient rendre à la mer. Ce fut là l'héritage de la tribu des enfants d'Ephraïm, selon leur famille, avec les villes qui furent séparées pour les enfants d'Ephraïm parmi l'héritage des enfants de Manassé, toutes ces villes, dis-je, avec leurs villages. Or ils ne dépossédèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézé, c'est pourquoi les Cananéens ont habité parmi Ephraïm jusqu'à ce jour, mais ils ont été tributaires, et asservis.